بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 77 dans la lecture du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et on est arrivé donc dans le livre, dans le chapitre où le Cheikh explique l'Iman bil-Rusul, l'Iman bil-Rusul. Parce que dans le livre, il explique donc Usul al-Iman ou Arkan al-Iman. Et donc là, on était arrivé à expliquer la foi en les messagers. Donc le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit: « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ شَرِيعَتَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc, on va traduire maintenant qu'est-ce que le cheikh il a dit. Il explique que quiconque, donc, il dit plutôt, nous croyons que la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion de l'islam. Et c'est la religion que Allah a agréée pour ses serviteurs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre chose, aucune autre religion de quiconque au jour de la résurrection. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Al-Imran, le verset 19, la religion pour Allah c'est l'islam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 3, dans Surat Al-Ma'idah, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et dans le verset 85, dans Surat Al-Imran, il dit ce qui signifie: et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc maintenant on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Ibn Uthaymeen, à propos de son propre livre, comment il a expliqué ces versets là. Donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa nu'minu يعني قوله ونؤمن بأن شريعته هي دين الإسلام إلى آخر الكلام. يقول وهذه الآية يعني إن الدين عند الله الإسلام, هذه الآية حصر لتعريف ركنيها يعني الدين والإسلام وهما معرفة. وإذا كان ركن الجملة معرفة وإذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر, فالدين عند الله هو الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني لا يراد بالإسلام إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, وأما قبل بعثته فيطلق الإسلام على كل دين قائم ولهذا قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت ملكة سبأ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا شريعته عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen il explique, il dit, nous croyons que sa charia, c'est la charia de la religion de l'islam, et que c'est la religion qu'il a agréée pour ses serviteurs, et qu'il n'acceptera de ses serviteurs aucune autre religion que l'islam. Et il mentionne le verset, certes la religion pour Allah c'est l'islam, et ça c'est c'est pour dire que c'est pour restreindre la religion à ce qu'est l'islam, dans le sens que c'est la religion exclusive que Allah va agréer seulement. Il ne va pas agréer d'autre chose que cette religion-là, c'est-à-dire l'islam. Et il dit donc, après la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la religion d'Allah, c'est l'islam. Et quand on parle de la religion de l'islam dans le sens, par exemple, quand on dit la religion de l'islam après la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire la charia que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a amenée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est désigné par l'islam après la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a amenée. Donc, on dit, l'islam, c'est la religion du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, on utilise également le nom de la religion de l'islam pour désigner tout ce qui était pratiqué comme religion envoyée par Allah aux prophètes précédents aussi. Ça veut dire que la religion que Allah a envoyée aux prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était également l'islam. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent que les prophètes précédents étaient musulmans. Hein? Il dit, par exemple, il a cité deux versets comme exemple, le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, hein, et donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle des prophètes hein, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la Torah, donc il a donné la Torah à Moussa alayhi salam, puis les prophètes qui sont venus après Moussa alayhi salam, ils jugeaient aussi par la Torah, et donc tous ces prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a désignés en disant Alladina aslamu. Donc ça dit ceux qui se sont soumis, c'est-à-dire ceux qui étaient musulmans. Donc c'est dans le verset 44 où il dit ce qui signifie nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. Sur sa base, c'est-à-dire sur la base de la Torah, c'est sur sa base, sur la Torah, que les prophètes qui se sont soumis à Allah, donc qui ont été musulmans, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc c'est pour dire que même les prophètes précédents étaient sur l'islam aussi. C'était la religion de l'islam, leur religion. Et de même que la reine de Saba, lorsqu'elle est venue rencontrer Suleyman, alayhi salam, comme c'est mentionné dans Surat An-Naml, le verset 44, elle dit Aslamtu ma'a Sulayman, lillahi rabbil alamin. Donc j'accepte l'islam, j'accepte d'être musulmane, de me soumettre à Allah avec Sulayman, de me soumettre à Allah le Seigneur des mondes. Donc c'est pour dire que tous les messagers d'Allah, tous ceux qui sont venus avec l'islam, leur religion, tous ceux qui sont venus avec une révélation ou un message ou un livre qui vient d'Allah, leur religion c'était l'islam, même s'ils sont venus avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, qu'est-ce qui est désigné par l'islam ou comme étant l'islam, c'est exclusivement sa charia, c'est qu'est-ce qu'il a ramené. Donc il dit après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus d'islam excepté l'islam, excepté la charia que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc par exemple les juifs ou les chrétiens, ceux qui disent nous on suit Jésus, ou on suit ceux qui disent nous on suit Moussa alayhi salam, aujourd'hui ils peuvent pas prétendre être musulmans. Pourquoi ils peuvent pas prétendre être musulmans? Parce qu'ils n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas suivi sa charia, donc on ne va pas les désigner comme étant des musulmans, même si Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam étaient tous les deux des musulmans et des prophètes de l'islam. D'accord? Le Cheikh il dit ensuite, il explique le verset le suivant, verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, il dit wa qawluhu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعم يقول أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا وليس المعنى أنني ختمته لأنه قد أنزلت آيات بعد هذه الآية. وقوله اليوم هنا للعهد الحضوري أي اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية وهو يوم عرفة كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له يهودي لقد أنزل الله عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم قال إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة نعم donc on va expliquer ça. Le Cheikh explique le verset qui dit donc dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Il dit j'ai complété pour vous votre religion, c'est-à-dire je l'ai rendue parfaite, je l'ai rendue complète. Dans le sens, et non pas dans le sens de je l'ai terminé ou je l'ai complété. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui ont été révélés après ce verset-là. Il dit ensuite, donc quand il dit al-yawm, hein, ça veut dire maintenant, hein, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire le jour où ce verset a été révélé, et c'est le jour de Arafah. Comme ça a été mentionné par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque un juif est venu le voir et lui a dit, il dit, Allah il vous a révélé un verset, ou bien Allah a révélé sur vous un verset, si ce verset-là était révélé sur nous les juifs, on aurait fait de ce jour-là un jour de fête, un jour de Eid. Et Omar a dit, lequel, hein, c'est-à-dire quel verset? Et il a expliqué, il a dit, c'est le verset dans lequel Allah a révélé, il a dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et donc il dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a répondu en disant, je sais exactement où il a été révélé et quand il a été révélé. Il a été révélé le jour de Arafah sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était debout à Arafah. Donc, le cheikh il dit ensuite, وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Hein? Pourquoi les juifs, pourquoi le juif il dit ça à Omar ibn al-Khattab? Pourquoi le juif il dit, ce verset-là, s'il était révélé sur nous les juifs, on aurait fait une fête? Pourquoi? Parce que leur religion, elle n'est pas complète. Et ils le savent. C'est-à-dire que leur religion, elle n'est pas complète. Et ils attendent toujours qu'un Messie arrive pour compléter leur religion. Et jusqu'à maintenant, ça fait des siècles, ils continuent à attendre et elle n'est toujours pas complétée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à Isa, ils n'ont pas cru à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce verset, il est révélé pour eux aussi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, il est révélé pour eux aussi dans le Coran, mais ils ne veulent pas y croire. C'est pour ça qu'ils attendent encore. Hein? Et jusqu'à maintenant, ils continuent à attendre et leur religion est toujours incomplète. Hein? C'est pour ça qu'ils disent, s'il était révélé sur nous, on aurait été tellement content, on aurait fait de ce jour-là une fête. Hein? Parce que jusqu'à maintenant, depuis plus que 2000 ans, ils attendent et leur religion est toujours incomplète. Après, il dit le Cheikh, وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْبِدَعِ ليست من الدين لو كان من الدين لذكرها الله عز وجل وفيه تحذير بليغ من البدع لأن المبتدع ظاهر فعله يناقض الآية لأن هذه البدعة التي اتخذها دينا جاءت بعد نزول الآية فمقتضى هذا المبتدع أنه يقول الدين لم يكمل ها والآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم فنقول على زعمك الدين لم يكمل إلا ببدعتك وهذه مسألة خطيرة جدا لو تأملها أهل البدع لخافوا منها أن تكون بدعتهم تكذيبا للقرآن لأن هذا المبتدع يقول هذا دين ونقول أين هو في القرآن والسنة فهو غير موجود فصح أن بدعته تكذيب تكذب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc ça c'est un très bon point que le Cheikh Ibn Uthaymin il mentionne ici. Il dit ce verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Hein, la signification de ce verset. Il dit, il y a une preuve dans ce verset-là que toutes les innovations, les bid'ah, elles ne font pas partie de l'islam, elles ne font pas partie de la religion. Il dit, si ces bid'ah faisaient partie de la religion, Allah l'aurait mentionné dans le Coran. Et donc, il dit, il y a donc un avertissement, une mise en garde sévère, hein, à propos des innovations dans ce verset-là. Et les innovateurs, lorsqu'ils font des innovations et lorsqu'ils inventent des choses dans la religion, eh bien, ce qu'ils font en apparence, c'est en réalité en contradiction avec ce verset. Le verset 3, en Surat al-Ma'ida, parce que les bid'a qu'ils sont en train de faire, ils les ont pris comme faisant partie de la religion. Hein? Lorsque quelqu'un, il célèbre al-Mawlid al-Nabawi, ou lorsque quelqu'un, il fait, par exemple, toutes sortes de pratiques et d'innovations, comme le font, par exemple, certains parmi les gens qui sont dans la bid'a, hein, ils font ces innovations-là en pensant que ça fait partie de la religion, et que c'est quelque chose que Allah aime, qui les rapproche d'Allah. Et en faisant ça, hein, en réalité, ils sont en train d'accuser la religion d'être incomplète. C'est comme si, en faisant la bid'a, après la révélation du verset qui dit « Aujourd'hui, j'ai complété votre religion », donc ça implique que ce mubtadi', il est en train de dire « La religion, elle n'est pas complète ». Allah, il dit que la religion est complète, puis lui, il vient après et il rajoute des choses qu'il a inventées lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le verset, il n'est pas vrai. Le verset, il n'est pas vrai parce que pour lui, elle n'est pas complète. Si elle était complète, il aurait pas ajouté ou inventé des nouvelles choses dans la religion. D'accord? Donc, le Cheikh, il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Hein? Donc, nous, on va dire, selon ce que vous faites, hein, c'est comme si vous prétendiez que la religion n'est pas complète, excepté avec les choses que vous avez ajoutées dedans et que vous avez inventées comme bid'ah. Et donc ça c'est une question en réalité qui est extrêmement dangereuse, hein? Et si les gens de bid'ah auraient réfléchi à ça, ils auraient eu peur de ce qu'ils font, parce que c'est grave. En réalité, en faisant des bid'ah, ils contredisent le Coran, parce que ils disent qu'est-ce qu'on fait comme innovation, ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la religion. Et nous on dit, si elles font partie de l'islam, ces innovations, où sont-elles mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna? Est-ce qu'il y a un dalil pour supporter qu'est-ce que vous faites dans le Coran ou dans la Sunna? Il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve. Donc ça c'est la preuve que, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de démentir la parole d'Allah dans le Coran à cause de cette bid'a que vous faites. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset ce qui signifie, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ensuite, le Cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مَنْ يَبْتَغِي أي يطلب غير الإسلام دينا يعني يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يشهد لهذه الآية من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأولئك النصارى في كنائسهم الذين يبكون ويخشعون ويترنمون بالصلاة لا يقبل منهم وهم في الآخرة من الخاسرين. Hein? Donc le Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie, et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc quiconque cherche une religion autre que la religion d'Allah, la religion de l'islam, ce ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et donc ça veut dire que, yani ça c'est, le verset il est clair en réalité, et le cheikh il dit qu'il y a un hadith qui témoigne dans le même sens que ce verset, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit quiconque fait une action qui n'est pas de notre religion, eh bien elle sera rejetée, cette action-là sera rejetée, et c'est rapporté par l'imam muslim selon Aïcha radiallahu anha. Donc par exemple, le cheikh il dit, regardez les chrétiens dans leurs églises, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils prient, ils pleurent, ils font des prières, ils chantent, hein, toutes sortes de choses qu'ils font comme ça. Et il dit, Allah n'acceptera de rien de ce qu'ils font comme adoration, rien de ce qu'ils font comme, hein, comme prière ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sur la religion que Allah a agréée. Donc dans l'au-delà, ils seront du nombre des perdants. Et le cheikh il dit ensuite, وَنَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ الْيَوْمَ دِينًا مَقْبُولًا قَائِمًا مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ سِوَى دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُسْلِمًا يُسْتَتَابْ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ. Donc le cheikh il explique un principe très important. Il dit, quiconque considère aujourd'hui qu'il y a une religion qui existe et qui est établie, qui serait acceptée d'Allah autre que l'islam, comme par exemple le judaïsme ou le christianisme ou n'importe quelle autre religion, hein, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme ou yani, n'importe quelle autre, même parmi les différentes croyances des hommes, alors celui qui croit que ces religions-là sont valables et sont acceptables, sont bonnes, hein, pour Allah, eh bien il est kafir. Le cheikh dit il est kafir. Il dit, le cheikh il dit, لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ فإن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن هو كافر لتكذيبه. Donc le cheikh il dit, il est kafir, il est mécréant celui qui croit qu'il y a une autre religion qui va être acceptée d'Allah autre que le judaïsme, autre que l'islam. S'il croit que le judaïsme ou le christianisme ça va être accepté, il est kafir. Et il dit pourquoi il est kafir, parce qu'il a démenti la parole d'Allah. Il dit le contraire de ce que Allah a dit dans le Coran. Allah, il dit, celui qui cherche une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui. Et lui, il vient, il dit, non, celui qui pratique une autre religion que l'islam, elle va être acceptée de lui. Donc il est en train de contredire le Coran, hein, et la Sunna en disant ça. Il démentit ce que Allah a dit et son messager. Donc il est kafir, hein. Ça c'est parce qu'il a démenti la parole d'Allah. Et le cheikh dit ensuite, par la suite, si cette personne qui a dit il y a des religions autres que l'islam qui vont être acceptées par Allah au jour de la résurrection, eh bien, en réalité, le cheikh est ici, il dit ça, puis qu'à la base, il était musulman auparavant, il doit être appelé à se repentir à l'islam. C'est-à-dire qu'on doit, dans un pays musulman, où les dirigeants de ce pays-là appliquent la loi d'Allah et la charia d'Allah, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent appeler cette personne. Il va être jugé devant les juges, dans un tribunal, hein, devant les musulmans. Et le juge va demander à cette personne de se repentir. Et il va avoir un certain nombre de jours de délai pour qu'on lui présente les preuves et qu'on lui montre les arguments, puis qu'on lui explique la vérité. Par la suite, s'il refuse, s'il accepte la vérité et qu'il dit oui, finalement c'est vrai, c'est la religion d'Allah seulement qui est la vraie et qui sera acceptée, toutes les autres religions sont fausses, s'il admet ça, alors dans ce cas-là, yani, alhamdulillah, il s'est repenti, Allah va accepter sa repentance et il va être remis en liberté. Toutefois, s'il persiste à défendre cette idée fausse et à continuer à dire qu'est-ce qui est kufr, eh bien, dans ce cas-là, il va être considéré comme étant un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui a renié la foi, qui a abandonné la foi. Et la peine de mort est établie dans l'islam pour toute personne qui a apostasié la vérité. Toute personne qui a renié la foi, hein, et qu'on a établi contre lui la preuve et qu'il a été jugé par les juges dans un tribunal que cette personne elle refuse d'accepter, de revenir à la religion, alors dans ce cas-là, selon la charia d'Allah, cette personne-là sera exécutée et il aura donc la peine de mort. Hein? Parce qu'il a démenti la parole d'Allah dans le Coran. Et la peine de mort, c'est un châtiment pour la personne qui a apostasié dans, dans la religion, dans cette vie. Mais le châtiment qui l'attend dans l'au-delà est beaucoup plus grave et beaucoup plus grand que ce châtiment dans cette vie. Hein? Bon, beaucoup de gens, parfois, quand tu leur dis « Comment ça, la peine de mort ?» hein? Comment ça, la peine de mort ? Eh bien, la peine de mort, ça, c'est un châtiment dans cette vie. Mais dans l'au-delà, hein? C'est l'enfer éternel qui l'attend. C'est pire que ça encore. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après, le cheikh, il dit... ثم إن كان أصله donc on l'a expliqué ça. Il dit le cheikh il explique ce passage là qu'on vient de lire. Il dit فإن كان أصله كافرا. Il dit par exemple ça. Nous on a donné l'exemple de la personne qui à la base était musulmane. Qu'est-ce qui va arriver? On va lui demander de se repentir et sinon s'il refuse donc il va être exécuté selon la charia de l'islam. Il dit ensuite فإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله فهل يستتاب ويقتل فهل يستتاب ويقتل لا يستتاب بل يعامل معاملة الكفار فيدعى إلى الإسلام فإن أبى فيلزم بالجزية فإن أبى قتل. Donc le cheikh il dit à la base, par contre, si la personne était kafir, si c'est un mécréant, et qu'il prétend que sa religion elle est acceptée par Allah, comme un chrétien ou un juif, qui dit ma religion, Allah il va l'accepter, elle est bonne. Est-ce qu'on va lui demander la même chose que pour le musulman qui a dit ça, hein, qui aurait dit cette parole de kufr? Est-ce qu'on va lui aussi demander de se repentir? Sinon, est-ce qu'il va être exécuté lui aussi? Est-ce qu'il va avoir la peine de mort? Le cheikh dit non, la réponse non, il ne va pas être demandé de se repentir, il va être appelé à l'islam, parce que comment il peut se repentir? La repentance c'est pour celui qui était croyant, qui a commis un péché. Mais s'il est kafir, même s'il se repent, il va se repentir de quoi? Il faut qu'il se repente de son kufr, hein, de son shirk de base. Et donc ça c'est par le fait d'accepter l'islam et de se convertir à l'islam. Donc le cheikh dit dans le cas d'un kafir qui dit ma religion elle est bonne et Allah va l'accepter, on agit avec lui de la même manière qu'on agit avec le reste des kuffars. Donc c'est-à-dire on doit l'inviter à l'islam, on doit lui expliquer les preuves et lui clarifier la vérité, hein? Et s'il refuse d'accepter l'islam, donc on sait que dans l'islam par exemple les musulmans lorsqu'ils ont la force, lorsqu'ils ont la capacité de faire le jihad fi sabilillah, par exemple de lutter dans le sentier d'Allah, eh bien dans ce cas-là, ils vont demander aux gens du livre d'accepter l'islam. S'ils refusent d'accepter l'islam, donc là, ils auront le choix, soit de payer la jizya ou de combattre. On va leur dire, vous avez le choix. Soit vous payez la jizya, c'est-à-dire vous payez un certain montant d'argent, une somme d'argent, comme une taxe. Et avec ça, vous pouvez continuer à vivre sur votre fausse religion et continuer à pratiquer votre fausse religion. Hein, sauf que vous devez payer cette jizya parce que vous ne voulez pas accepter l'islam. Et si vous refusez de payer la jizya, alors dans ce cas-là, on doit vous combattre. Hein. Donc ça, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué les règles par rapport aux gens du livre et par rapport à la façon dont on doit agir avec eux. Il dit فَإِنْ قِيلَ مَا حُكْمُ الدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ الْأَدْيَانِ فالجواب أننا نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أنه يقول أو بمعنى أن يقول أن كل الأديان مقبولة نرى أنه داع إلى الكفر لأنه ليس هناك دين في الأرض سوى الإسلام فكل الأديان غير الإسلام باطلة لا تعتبر دينا فمن دعا إلى توحيدها أي إقرارها وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك أنه مرتد عن الإسلام وَدَاعٍ إِلَى الْكُفْرِ. Donc le Cheikh il dit, si quelqu'un te demande à propos de le fait d'appeler à unifier toutes les religions, hein, qu'est-ce qu'on appelle Tawhidul Adiyan, hein, l'unification de toutes les religions. Justement, tout à l'heure, je suis tombé sur un article comme ça dans un site internet. Ils ont dit Ramadan, hein, le titre c'est Ramadan, un iftar interreligieux célébré à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Donc dans une cathédrale chrétienne, catholique, hein, ils ont ouvert, je ne sais pas si c'est catholique ou anglicain en tout cas, une cathédrale, ils ont organisé un iftar interreligieux. Et ça, yani, c'est comme qu'est-ce qu'on avait mentionné quand on a fait les cours sur les règles du Ramadan. Des gens qui font des comme ça ils appellent l'iftar de l'amitié, l'iftar du rapprochement, ou yani un iftar de la paix, ou je sais pas quoi. Là c'est un dialogue interreligieux, là c'est un iftar interreligieux. Quel rapport? Est-ce que les juifs et les chrétiens vont, même il y a des hindous, des bouddhistes, des sikhs, des athées, n'importe qui, ils viennent là-bas, ils disent on va faire l'iftar ensemble. Yani, ça fait pas partie de la sunna. Ça fait pas partie de l'islam. De dire aux gens, venez faire le jeûne aujourd'hui avec nous, alors qu'ils sont dans le coffre, ils sont pas musulmans, tu leur dis, venez jeûner avec nous, puis on va tous manger, on va faire l'iftar ensemble. En France, ils font ça. En Angleterre, aux États-Unis, ils font ça partout. Même ici, à Montréal, j'en ai vu des groupes qui font ce genre de choses. Donc, ça, là, ça n'a rien à voir. Ils font des fois, j'ai lu ici à Montréal, ils ont fait le couscous de l'amitié, le couscous interreligieux, ou je sais pas quoi. Donc, les Maghrébins qui invitent des gens parmi les Juifs et les Chrétiens et d'autres pour venir manger ensemble, pour briser le jeûne. Ça, là, le cheikh, voici ce qu'il dit à ce sujet-là. Il dit, nous considérons que la personne qui invite à l'unification des religions ou à unir les religions, hein, dans le sens qu'il va dire que toutes les religions sont valables et sont acceptables, nous considérons que c'est quelqu'un qui appelle au kufr. Il dit, il n'y a pas donc une religion sur terre qui est valable et acceptable pour Allah excepté l'islam. Donc toutes les religions en dehors de l'islam sont fausses et on ne les considère pas comme étant des religions valables et acceptées. Donc quiconque invite ou appelle à unifier les religions, c'est-à-dire d'accepter toutes les religions comme étant correctes et valables et acceptables pour Allah, il dit, il n'y a pas de doute que cette personne qui appelle à ça est un murtad, un apostat qui a abandonné l'islam, qui a rejeté la foi et qui invite à la mécréance, c'est-à-dire il invite au kufr. Le cheikh il dit ensuite, amma man da'a ila tawhid al-adyan bima'na an naj'al kull insan 'ala dinihi fananzur in kana muraduhu ibtal al-jihad wa mashahu min qa'imat al-islam fahada murtad. وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها فهذا صحيح ولا بد من ذلك أي لا بد من إقامة المعاهدة لأننا عاجزون في الواقع أتم العجز ولا يغرنكم التطبيل والتهويل. فالمهم أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذه ردة لأنها تكذيب للقرآن وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله وإن أرادوا بهذا المصالحة والمعاهدة المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين بهذا ما يعني إن أرادوا بهذا المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق، والإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحكم الخلق، نظر إلى الواقع في الصلح الحديبية فالتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إليها في بادئ الأمر. مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من بادئه لا من العمق، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نفعل؟ ولكن أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقنع، قال: إني رسول الله، أي لن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست أعصيه وهو ناصري. ثلاث جمل تسكت كل إنسان. رسول الله قال: أنا رسول الله. ثانيا قال: ولست أعصيه. وثالثا: وهو ناصري، أي النصر لا بد أن يكون لي. فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر، وغيرة من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر، فهذا موطن. On va traduire jusqu'ici. Donc ça c'est un passage important. Le cheikh il dit donc: quiconque par contre invite ou appelle à l'unification des religions dans le sens que chacun va être sur sa religion, puis personne va critiquer les fausses religions, personne va parler contre les fausses religions, et personne va inviter les autres à entrer en islam. Le cheikh il dit ici, c'est dans ce sens là que chacun il a sa religion, chacun doit être laissé dans sa religion qu'il suit. On regarde qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit: si ce qu'il veut dire c'est d'abolir le djihad complètement et d'effacer complètement le djihad des principes de l'islam, alors dans ce cas-là, cette personne-là est un apostat. Parce que le djihad, c'est quelque chose qui fait partie de l'islam et qui ne peut pas être enrayé ou éliminé ou effacé ou aboli. On ne peut pas l'ignorer ou faire comme s'il n'existait pas. Non, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie des règles de l'islam. Toutefois, bien entendu, on parle ici du djihad shari'i qui est fait selon les règles et les conditions de la sharia de l'islam, et non pas tel que les khawarij et les takfiriyin aujourd'hui ont déformé la réalité du djihad pour le faire devenir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui comme du terrorisme, de tuer aveuglément des innocents et de faire de la destruction de se permettre d'attaquer qui on veut, quand on veut, où on veut, comme on veut, sans avoir aucune autorité, sans avoir aucune armée, sans avoir aucune permission, sans respecter l'autorité du chef de l'État dans les pays musulmans. Donc tout ça c'est le désordre et le chaos, et on sait que ça n'a rien à voir avec le djihad dans l'islam. Donc ça c'est pas le djihad, et ceux qui font ces actes là sont pas des mujahidines, ce sont des mufsidines, ce sont des corrupteurs, des gens qui font le désordre. Donc il faut pas mélanger les choses, et le cheikh il dit toutefois: si la personne, son intention quand il dit qu'il veut l'unification des religions, s'il veut dire par là que les musulmans aujourd'hui ils sont dans une situation où ils ne sont pas capables de se préserver eux-mêmes et qu'ils ne sont pas capables de se réformer encore, hein, parce qu'ils sont faibles. Il dit ça, c'est une réalité. Il dit il faut admettre cette réalité-là, on n'a pas le choix. Donc si on fait des ententes ou des pactes, des ententes ou des pactes ou des trêves avec les koufars, hein, eh bien ça, si c'est dans ce sens-là qu'on veut dire l'unification avec ceux qui ne sont pas musulmans, dans le sens qu'on fait, on fait des ententes de paix avec eux et on fait des trêves avec eux et des traités avec eux, parce qu'on est faible et que notre situation est une situation de faiblesse, donc dans ce cas-là, on ne va pas nier la réalité, ça c'est correct. Mais on va pas, ça va pas, ça doit pas nous amener, le fait de faire des ententes de paix avec eux, ça doit pas nous amener à dire que leur religion elle est bonne, que leur croyance elle est correcte, et que qu'est-ce qu'ils font comme pratique religieuse c'est accepté par Allah. Non. Donc il faut pas mélanger les choses, il faut mettre chaque chose à sa place. Et à notre époque, c'est une époque dans laquelle on vit, c'est une époque d'extrême. Les gens, si tu leur dis une chose ou un extrême, eux, ils vont directement à l'autre. Hein? Et c'est ça qui fait que les gens sont totalement perdus à notre époque. Donc toi, tu leur parles de djihad, eux, ils pensent que toi, tu parles de terrorisme. Hein? Alors que ça, ça n'a rien à voir. Tu leur parles de traiter de paix avec les koufars pour faire yani, des ententes avec eux, que ce soit des ententes diplomatiques ou des ententes internationales ou des ententes yani, de paix. Eux, ils disent, ah ça veut dire que tu les as pris pour alliés, que dans le sens que tu es d'accord avec eux, que tu es un munafiq, tu es un kafir. Non. Yani, ça, c'est des gens qui mélangent les choses et qui vont d'un extrême à l'autre. Nous, le cheikh Ibn Uthaymin, il explique ici, il dit l'important de comprendre ici, c'est que ceux qui appellent à l'unification des religions dans le sens qu'ils veulent dire que toutes les religions sont acceptées par Allah, ça c'est une apostasie, c'est du kufr, c'est une ridda. Hein? Ça veut dire la personne qui dit ça, il a quitté l'islam. Parce que ça vient démentir le Coran. Toutefois, s'ils veulent dire, encore une fois, que chacun il a sa religion et qu'il faut se taire et pas inviter les autres à être musulmans et pas inviter les autres à accepter l'islam et qu'il faut pas non plus faire le djihad fi sabilillah pour avancer la religion d'Allah, hein, et imposer à l'humanité de respecter la charia d'Allah, eh bien dans ce cas-là, yani, ça veut dire qu'ils veulent abolir le djihad. Et celui qui veut abolir le djihad, il a renié la foi en l'islam. Il n'est pas musulman. Hein? Il dit toutefois, si ce qu'ils veulent, c'est hein, de parler, de faire des ententes de paix, des ententes internationales, des ententes diplomatiques ou des ententes commerciales, hein, avec les koufars, dans des temps de faiblesse comme dans la période dans laquelle nous sommes, il dit ça c'est permis, ça c'est correct. Et il faut regarder donc notre réalité et notre situation actuelle pour comprendre cette réalité-là. Et il dit même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus sage des créatures, eh bien, quand il a regardé la situation dans laquelle il était à l'époque, à Médine, il a fait une entente de paix avec les mouchriquins, l'entente qu'on appelle As-Sulh al-Hudaybiyah. Et il a accepté, pendant cette entente-là, des conditions que ceux d'entre nous aujourd'hui qui sont un petit peu, comme on dit, révoltés, quand ils regardent ces conditions-là, ils auraient considéré ces conditions-là comme étant des conditions hein, qui sont en défaveur des musulmans, qui sont des conditions qui indiquent, disons, la faiblesse. Hein. Donc, comment on aurait pu accepter des conditions aussi dures que ça? Aujourd'hui, les musulmans, lorsqu'ils acceptent, si par exemple certains dirigeants musulmans, ils acceptent des conditions qui sont difficiles ou qui sont dures pour les musulmans aujourd'hui à notre époque, hein, et certains parmi les hizbiyins ou les takfiriyins ou les khawarij, ils disent « Ah, ces dirigeants-là, c'est des koufars, regardez comment ils acceptent des conditions comme ça, ils ne devraient jamais accepter ça, il faut qu'on les combatte, les koufars et tout », alors que ça prouve que ces gens-là, ils ne réfléchissent pas, ils n'utilisent pas leur raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, à Mecca, hein, lorsqu'il était à Médine, il est venu pour aller à Mecca, les mouchrikoun l'ont arrêté. Ils ont dit, hein, on ne vous laisse pas passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, si vous voulez négocier, on va négocier, on va écrire une entente. Alors ils ont négocié entre eux et ils se sont mis d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec eux sur des conditions. Et parmi les conditions ou les clauses de l'entente de paix de Al-Hudaybiyah, il y avait des conditions extrêmement difficiles et dures pour les musulmans. Et donc on voit que les musulmans à ce moment-là, ils négociaient pas d'une position qui était une position de force, mais d'une position de faiblesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de sagesse et il a accepté ces conditions difficiles-là, même si elles semblaient être en apparence contre les musulmans, hein, et difficile pour les musulmans. Eh bien, à long terme, ça a eu un effet positif et ça a été un bien pour les musulmans. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé même cette entente de paix Al-Fath al-Mubin. Inna fatahna laka fathan mubina. Hein, nous t'avons donné une grande victoire. Cette victoire, c'est pas la conquête de la Mecque, c'est As-Sulh al-Hudaybiyah, l'entente de Al-Hudaybiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé avec les mouchriquins. Et même à cette époque-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé cette entente avec les mouchriquins, certains parmi les sahaba n'étaient pas contents. Certains parmi les sahaba ont été contre. Et par exemple, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hein, il n'a pas été capable de supporter les conditions difficiles qui étaient mentionnées dans cette entente de paix. Et donc c'est pour ça qu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vu les choses en apparence, il n'a pas vu les choses en profondeur comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, pourquoi on accepte de prendre, hein, d'être bas, d'être abaissé dans notre religion, hein? Pourquoi on accepte maintenant de prendre le côté plus faible, le côté plus bas dans notre religion? Comment on fait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu d'une réponse qui est convaincante. Il lui a dit, premièrement, je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire, je ne vais pas dévier de ce que Allah m'a ordonné. Je suis le messager d'Allah. Donc déjà, ça suffit comme réponse. Hein? J'ai signé cette entente avec les mouchriquins. Je suis le messager d'Allah. Ça veut dire, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je sais que ce que je fais, c'est selon, hein, c'est pas en contradiction avec ce que Allah m'ordonne. Et il dit deuxièmement, وَلَسْتُ أَعْصِي. Il confirme en disant, je ne vais pas lui désobéir. Hein? Et le troisième, il a dit, وَهُوَ نَعْصِرِ. Il va me donner la victoire, malgré tout. Donc il dit ces trois phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Omar ibn al-Khattab. Il dit, ces trois phrases sont capables de faire taire n'importe qui. Hein? Il est le messager d'Allah, il ne lui désobéit pas, et Allah va lui donner la victoire. C'est-à-dire, peu importe, la victoire est la sienne. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, eh bien, il est allé voir qui, pour confirmer encore une fois que yani, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit est vrai. Il est allé voir, hein, Abu Bakr. Il est allé voir Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr lui a répondu exactement la même réponse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est qu'est-ce qui est le plus étonnant. Hein? Et il lui a dit, il dit, et c'est là qu'on voit, que Abu Bakr radiallahu anhu était plus fort, hein, et plus raffermi dans ses positions que Omar ibn al-Khattab. Et il avait donc par conséquent plus de jalousie, hein, que yani Abu Bakr as-Siddiq. الذي فوق يشتغل ولكن لابد أن تمسكه بطريقة يعني حتى يمسك يعني استعمل هذا يكون أفضل هذا نعم. Donc le cheikh il dit donc on voit que Omar ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a fait preuve de plus de fermeté et de plus de fermeté et de patience dans les difficultés et face aux difficultés que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans plusieurs occasions. Et le cheikh, il va mentionner également d'autres exemples lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Arabes ont apostasié, hein, on a déjà parlé de ça dans le cours de Al-Furqan, Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On donnera les deux, on continuera l'exemple des deux autres cas au prochain cours, inshallah, avec les explications, puis on continuera la suite la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.